بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc on est toujours dans le deuxième chapitre, باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. On est arrivé au hadith de Abi Saïd al-Khudri رضي الله عنه. Donc, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى عليه السلام يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات سبع وعمرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله رواه ابن حبان والحاكم وصحها. Donc hadith d'Abi Saïd, on avait commencé à lire l'explication la dernière fois. On a dit que ces hadiths, il y a certains ulama qui voient que ce hadith là il n'est pas authentique, mais que on va voir que ce hadith là il va citer après ce qu'on appelle le shahid. Le shahid, c'est un hadith qui a donc d'un autre compagnon qui a le même sens, pas forcément les mêmes mots exactement, mais qui a le même sens et qui donc confirme le hadith là qu'on a en question, le hadith d'Abu Saïd. Et l'autre hadith qui est donc shahid, lui il est authentique. Donc même selon l'hypothèse que ce hadith-là il serait daïf, il y a un autre hadith d'un autre compagnon, comme on le verra après, qui lui est authentique. C'est le hadith d'Abdullah ibn Amr, radiallahu anhuma. Il va le citer après. Et donc, on avait vu la dernière fois que Moussa alayhi salam, dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que Moussa alayhi salam il s'est adressé à Allah subhanahu wa ta'ala et que en demandant quelque chose par laquelle il pourrait évoquer Allah ou adorer Allah et par laquelle il peut s'adresser à Allah en lui demandant quelque chose. Donc de là on avait parlé des deux différentes sortes de dua, ce qu'on appelle dua ibada ou dua mas'ala. C'est-à-dire, dua ou ibada rentre là-dedans toutes les sortes, on va dire, d'adoration. Tout ce qui rentre dans l'adoration, on appelle ça dua ou ibada. Salat ou zakat ou le dhikr ou toutes choses, que ce soit par le cœur, la parole ou les membres. Tout ça, ça rentre dans dua ibada. Dua al-mas'ala, c'est le fait de s'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala et de demander quelque chose. Ya Rab, niyas'aluka kaza wa kaza. Wallah, je te demande ceci, cela, donne-moi cela, etc. Tout ça, ça s'appelle dua al-mas'ala. On demande, il y a une su'al, il y a une question. Et on avait dit aussi que les ulama ils disent que la règle, ils disent donc dua ou al-ibada yastalzim dua ou al-ibada yastalzim ou dua al-mas'ala. C'est-à-dire que l'adoration dans sa globalité, ça implique le fait de demander quoi? De demander la récompense à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que quelqu'un, lorsqu'il adore Allah subhanahu wa ta'ala, l'état dans lequel il est, l'état d'adoration, il implique la demande de la récompense et la demande de qu'Allah subhanahu wa ta'ala il le sauve du feu. Ce qu'on appelle l'isen al-hal. L'isen al-hal, c'est-à-dire son état implique que cette personne-là qui adore Allah, il l'adore et que dans son adoration, elle implique qu'il demande la récompense et qu'il demande à Allah de le sauver du feu, de le sauver du châtiment. Et on avait dit que du'a al-mas'ala mutadammin mutadamminun ou yatadammanu Du'a l'ibada. C'est-à-dire que quand on s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on lui demande quelque chose, ça englobe l'adoration. Pourquoi? Parce qu'il avait cité lui une chose, il y a une deuxième chose, donc lui, la chose qu'il avait citée, c'est simplement le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne, il nous demande de lui demander. Comme Allah a dit, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, lorsqu'il nous ordonne de yahadi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par l'imam Tirmidhi, qui dit, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui ne demande rien à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah se met en colère contre lui. On voit que le fait de demander à Allah ce dont on a besoin, c'est une adoration qu'Allah il aime ça, et que celui qui délaisse ça, Allah, il encourt la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبروا عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين قال ربكم ادعوني قال ربكم ادعوني et votre Seigneur a dit ادعوني invoquez-moi. Là, les savants, les mufassirun, les savants du tafsir, ils expliquent ici la dua par les deux sens, par le mas'ala, le fait de demander, et par l'adoration. Et par l'adoration, c'est-à-dire l'adoration, la salat, la zakat, etc. Les mufassirun, ils expliquent qala rabbukum ud'uni par les deux sens. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Et ceux qui s'enorgueillissent de m'adorer ou de me demander rentreront au feu en étant humiliés. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle on dit que dua al-mas'ala, donc quand on s'adresse à Allah, quand on lui demande quelque chose, oh Allah, donne-moi ceci, ça englobe l'adoration parce que la personne, elle obéit à un ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Et ça, c'est le sens de l'adoration. Allah, il lui a demandé de l'invoquer, de lui demander. Il lui a demandé de l'invoquer, de lui demander. Lui, il répond. Il obéit à Allah subhanahu wa ta'ala en faisant ça. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle on dit que la dua del mas'ala, la dua ul mas'ala, le fait de demander à Allah, ça comprend l'adoration. La deuxième chose, c'est que, comme le cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit que celui qui demande quelque chose à Allah, son cœur, il est en état d'adoration. C'est-à-dire qu'il demande avec la langue, il va demander avec la langue en levant ses mains, mais son cœur, il est dans un état d'adoration. Par quoi? Par l'espoir. L'espoir qu'Allah, il exauce sa dua. Par la peur. La peur qu'Allah, déjà qu'Allah, il n'exauce pas sa dua, ou qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il le châtie. Et tawakkul aussi. Le fait qu'il se repose, que son cœur, il se repose sur son Seigneur dans cette chose-là qu'il a demandé. Le fait qu'il sache que seul Allah peut lui donner ce qu'il lui demande. Donc ça, c'est la raison pour laquelle on dit que dua ul mas'ala mutadammin ou yatadammanu dua al ibada. L'avait cité d'autres choses, entre autres, que cette shahada. Donc oui, ensuite Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit à Moussa de dire la ilaha illallah. Et que ça, ce dhikr-là, c'est le meilleur des dhikrs et le plus simple à prononcer. Et celui qui a le sens le plus noble et le plus grand. C'est les mots, il dit, donc c'est l'anse la plus solide, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a. La ilaha illallah, il a appelé la ilaha illallah par ceci dans le Coran. Wa kalimatu taqwa, donc les mots de la crainte pieuse. Wa kalimatu l'ikhlas, les mots de l'exclusivité. Wa hiya allati qamat biha as-samawati wal ard. C'est pour cette raison qu'Allah, pour cette shahada et pour le sens que cette shahada pour le sens de cette shahada que Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les cieux et la terre. وشرعت لتكميلها السنة والفرض. الله سبحانه وتعالى il a légiféré la législation pour compléter cette shahada. ولأجلها جردت سيوف الجهاد. الجهاد il a été légiféré pour cette shahada-là. الجهاد في سبيل الله c'est le combat pour que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala soit la plus haute. C'est-à-dire que c'est pour que ce soit la législation d'Allah qui gouverne. C'est ça le jihad fi sabilillah. On n'appelle pas le fait de repousser un ennemi pour protéger sa propre personne ou pour une terre ou pour autre chose. On n'appelle pas ça le jihad fi sabilillah. Le jihad fi sabilillah, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلِيَ pour que les mots d'Allah soient les plus hauts, c'est-à-dire pour que la législation d'Allah gouverne. Et on tire aussi de ce hadith-là, il dit que c'est un dhikr qu'on dit complètement. C'est de complètement, c'est-à-dire de, on dit toute l'expression, on dit « La ilaha illallah ». On ne se contente pas de dire Allah, comme on se rappelle les Égyptiens ou d'autres, quand il y a quelque chose qui leur plaît ou quoi, ils disent Allah. Ça, ce n'est pas un dhikr, parce que ce n'est pas une phrase, ce n'est pas une phrase à la base. Allah, c'est un mot, ça ne constitue pas une phrase, ça n'a pas de sens. Et ça peut, comment dire, yahtamil, ça peut avoir des sens bons comme mauvais. Allah quoi? Allahu Akbar, Allahu A'lam, ça n'a pas de sens. Où il y a carrément des, comme on avait vu, il y a carrément des soufis, comme Allahu A'lam Ibn Arabi, sahib Wahdat al-Wujud, celui qui a dit que, dans sa bid'a, que toute l'existence c'est qu'une seule chose. Lui, il a écrit un livre qui s'appelle Kitab Huwa, en parlant d'Allah, il l'appelle Huwa. Hou, ils disent hou, comme ça. Donc tout ça, c'est évidemment, c'est de la bid'a. Il dit, na'am, kama yaf'aluhu ghulat al-mutasawwifa. Et ensuite, il a reparlé de l'analyse, du sens de la ilaha illallah par son analyse grammaticale. Donc la ilaha illallah, on avait dit que la, on appelle ça la nafiatun lil jinsi. La nafiatun lil jins. La ilaha, c'est-à-dire que, pour comprendre ce que ça veut dire, la nafiatun lil jins, c'est le fait de rejeter ou de renier le comment dire, la sorte, une sorte, un groupe. C'est pas rejeter, renier ou rejeter ou nier une chose en particulier. On va donner un exemple pour expliquer ça plus clairement. Si je dis par exemple la rajulun fil bayt, la rajulun fil bayt, qu'est-ce qu'on prend de ça? On comprend de ça la rajulun. Ici on voit que rajulun il est marfou'. Il n'est pas mansoub. Donc on sait que là, ce n'est pas un nafiatun lil jinsi. C'est la nafi. Nafia, khlas. Donc la rajulun fil bayti, ça veut dire quoi? Ça veut dire il n'y a pas un seul homme dans la maison. Mais est-ce que ça renie le fait qu'il y en ait deux ou plusieurs? Non. Donc si par exemple je dis la rajulun fil bayti, je dis fil bayti rajulan. Ça, il y a deux, il n'y en a pas qu'un, il y en a deux. Donc ça va renier simplement le fait qu'il y ait un seul homme. Ça va rejeter ça. Mais si je dis la rajula fil bayti, la rajula fil bayti, là, je renie carrément la sorte, le genre. C'est-à-dire, il n'y a pas tout ce qui s'appelle un homme, tout ce qui s'appelle rajul, il n'y a pas dans la maison. Il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas cent. Ça, c'est la différence entre el jins, el nafi lil jins, ou el nafi lil afrad. Jins, un groupe, un genre, ou l'afrad, c'est des particuliers qui rentrent dans cette sorte-là. Donc là, quand on dit la ilaha illallah, on dit la ilaha, donc el ilah, on sait que c'est le ma'boud. On sait que c'est le ma'boud. El ilah, c'est le ma'boud, c'est celui qui est adoré. Tout ce qui est adoré en dehors, tout ce qui est adoré d'une manière globale, ça s'appelle ilah. Donc, quand on dit la ilaha, on renie, on rejette toutes les divinités, mais plus précisément, on va rejeter le fait qu'elles méritent l'adoration, comme on l'avait dit. C'est pour ça qu'il dit que, donc si on revient à l'analyse grammaticale, on dit la ilaha. Donc, on dit la nafiyatun lil jinsi, ilaha ismu la. La nafiyatul jin, c'est comme kana, c'est comme inna. Il a un ism et un khabar. Il a un nom et un khabar. Donc on dit la ilaha ilah ismu la. Et le khabar, il est où? Il est caché. Ils disent mahdouf. Et pour déterminer quel est ce khabar-là, il se base sur les textes du Coran et de la Sunna. C'est pour ça qu'il cite un dalil après. Et le khabar ici, c'est haq ou bihaq. Donc on dit « La ilaha ou la ma'bouda bihaqqin ou haqqun ou bihaqqin illallah » C'est-à-dire c'est le fait de rejeter le mérite à l'adoration. On rejette pas le fait qu'il y ait d'autres divinités fil wujud, qui existent. Il y a d'autres divinités puisque est divinité, tout ce qui est adoré est divinité, comme on l'a dit. Donc on rejette pas le fait qu'il y ait d'autres divinités. On rejette le fait que les autres divinités en dehors d'Allah ne méritent pas l'adoration. Donc ce qui est rejeté, c'est le mérite à l'adoration. Et que seul Allah subhanahu wa ta'ala mérite l'adoration. Et ce qui nous indique que le khabar c'est haq, c'est entre autres la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Donc ceci parce que Allah est celui qui mérite l'adoration, al-haq. Wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil. Et tout ce qui est adoré en dehors de lui. Donc là on voit, si on revient à ce qu'on a dit avant, il emploie dans le verset ma yad'una min dunihi. Wa huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi yad'una ad-du'a imma du'a mas'ala aw 'ibada. Rentre là-dedans, dua al-ibada, salat, zakat, sujoud, zikr, tout ce qu'on veut, et dua mas'ala, le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala une chose que seul Allah peut nous donner. Donc ça rentre, les deux sortes d'ibada rentrent là dans le mot yad'ouna, min dounihi. Huwa al-batil, c'est vain, c'est batil, ça n'a pas de valeur. Donc c'est à partir de ces textes-là qu'ils ont déterminé que dans la ilaha illallah, c'est la ilaha haqqun ou bi haqqin. On peut rajouter le bi comme ta'kid. La ilaha haqqun ou bi haqqin illallah. Et Allah ici, on appelle ça le mot lafz al-jalala mustathna. On a vu ça en grammaire, mustathna. C'est-à-dire qu'Allah, il ne rentre pas dans à la base ce qui est renié. Quand on dit la ilaha, ça c'est renier tout ce qui s'appelle divinité. Donc Allah il rentre pas là-dedans. Ça ils appellent ça istithna munfasid. Wallahu a'lam ala kulli hal. C'est important de préciser ça parce qu'il y en a. On avait dit, notamment parmi les savants de la grammaire, qui ont dit que le khabar c'est mawjoud, ou alors fil wujoud. La ilaha mawjoud illallah. Il n'y a aucune divinité qui existe en dehors d'Allah. Or ce sens-là, il n'est pas juste, ou pas tout à fait juste, dans le sens où il y a bien d'autres divinités qui existent. Dans l'existence, et puisque, encore une fois, tout ce qui est adoré, ça devient divinité. Allah subhanahu wa ta'ala, lui-même, dans le Coran, il affirme qu'il y a d'autres divinités. Comme la parole d'Allah est dit, en citant la parole des mushrikin, أَجْعَلَ الْآلِهَةَ إِلَّهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَبٌ. Va-t-il faire des divinités, une seule divinité? Voilà quelque chose de bien étrange. Or, Allah subhanahu wa ta'ala, il a pas rejeté leurs paroles. Quand ils ont dit « Aliha », ça s'appelle « taqrir ». Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il confirme leurs paroles. Le fait qu'il y a plusieurs divinités. Et que l'islam, c'est d'en faire qu'une seule. C'est-à-dire donner l'adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et délaisser les autres divinités et de ne pas les prendre, comme on le verra dans le livre, comme intermédiaire entre Allah et l'adorateur. Donc le sens, c'est nulle divinité qui mérite l'adoration en dehors d'Allah. Il n'y a pas d'autre divinité qui mérite. C'est pas le fait qu'il n'y en ait pas, qu'elle n'existe pas, mais c'est le fait qu'elle mérite l'adoration. Ça, c'est le sens. Il est revenu sur le sens de la ilaha illallah. Et on reparlera en détail dans le chapitre qui concerne l'explication de la ilaha illallah. Et on est arrivé là. Donc, il dit, Qal Moussa, lorsqu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il lui a enjoint donc de dire ces mots-là, la ilaha illallah. Moussa, il a dit, Qal Ya Rab, kullu ibadika yaquluna hadha, Ya Rabbi. كل عبادك يقولون هذا المحشي عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله يدي وفي رواية قد علمت أن لا إله إلا الله أي وإنما أريد شيئا تخصني به من بين عموم عبادك فإن من طبع الإنسان ألا يشتد فرحه جدا إلا بشيء يختص به دون غيره مع أن من رحمة الله تعالى وسنته المضطردة أن ما اشتدت إليه الحاجة والضرورة كان أكثر وجودا كالهواء والماء والملح ولما كان النطق بلا إله إلا الله ضرورة فطرية كانت أكثر الأذكار وأيسرها وأفضلها وأعظمها. Donc, en fait, dans une riwaya du hadith, Moussa alayhi salam, il a dit, certes, j'ai déjà su, il connaît ces mots, je connais la ilaha illallah. Qad alimtu an la ilaha illallah. Mais le sens, c'est, Moussa, il a voulu quelque chose de propre à lui-même, quelque chose de particulier, qui soit réservé à lui-même. Parce que dans la nature de l'homme, la nature de l'homme, elle est que, en général, la personne, elle est vraiment satisfaite et contente lorsqu'une chose est particulière à elle-même. Lorsque, par exemple, un chef ou un shir avec ses étudiants, il va confier, par exemple, une mission à un de ses étudiants. De réaliser, je sais pas moi, il va lui donner une mission de rassembler certains textes ou de faire quelque chose, ou un émir ou un chef, il va donner une mission bien particulière à un. Ça montre un petit peu sa valeur et ça montre qu'il a quelque chose de plus que les autres, une qualité que les autres ils ont pas, etc. Donc c'est pour ça qu'en général, l'insane, il aime bien avoir quelque chose qui est propre à lui et que les autres n'ont pas. Dans le sens, parce qu'il a une valeur supérieure. Il dit bien que dans la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire même dans sa création, que ce soit dans sa création ou dans sa législation, dans le Coran, au truc que plus les hommes ou les créatures ont besoin d'une chose et plus on la trouve en grande quantité. Si on regarde que ce soit l'eau, que ce soit d'autres choses, bon, il a cité le hawa, l'air, le sel, etc. Il y a les choses dont on a vraiment besoin de manière vraiment nécessaire, c'est des choses qu'on trouve en grande quantité. Comme si on prend l'exemple de l'eau, on a besoin d'eau pour tout faire. On trouve l'eau en très grande quantité. C'est la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala, et les ulama, ils comparent ça, même, on trouve ça même dans le Coran. Les adorateurs ou les serviteurs d'Allah jalla wa ala, ils ont eu besoin pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala de connaître Allah. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il s'est décrit dans le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit dans la sunna comme on l'a vu dans le wasitiya par ses noms et par ses attributs et par ses actes. C'est rare que tu trouves un verset, dans la majorité des versets du Coran, on trouve toujours des noms, des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, souvent à la fin des versets, wa huwa sami'ul basir, wa huwa sami'ul alim, etc. On trouve toujours, parce que les serviteurs, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de connaître qui est leur Seigneur. Ils ont besoin de connaître sa perfection. Ils ont besoin de savoir qui il est pour lui donner, pour comprendre que lui seul mérite l'adoration et que et quel est les sifat, les caractéristiques de cette adoration-là qu'ils doivent lui vouer, c'est-à-dire une adoration pure, intense, etc. Ça se fait par ses noms et ses attributs. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité ses noms et ses attributs de manière répétitive dans tout le Coran. De la même manière, ça concerne le tawhid dans les noms et les attributs, mais on trouve la même chose dans l'uluhiyya. Allah subhanahu wa ta'ala, il cite du début à la fin du Coran que lui seul, il mérite l'adoration, justement parce qu'il se décrit des plus beaux noms et des attributs de perfection, mais que lui seul mérite l'adoration. Et il appelle les gens à l'adorer lui seul et à s'écarter du shirk, etc. Donc plus, que ce soit dans la législation ou dans la création, tout ce qu'on a besoin, tout ce qui est nécessaire, on va dire, à notre bien-être, on le trouve en grande quantité. Et fait partie de ça, ce zikr-là, la ilaha illallah. Non. Et encore une fois, la ilaha illallah, d'une manière globale, le zikr, c'est des récompenses entre guillemets faciles. C'est-à-dire, c'est facile de dire la ilaha illallah et de dire subhanallah walhamdulillah, de dire Allahu Akbar, de dire subhan rabbi al-azim, subhan rabbi wa bihamdi. Tout ça, c'est des actions, des bonnes actions, faciles, qui sont lourdes dans la balance. Il dit, waqala al-sharih. Al-sharih, encore une fois, quand il dit al-sharih, c'est qui? C'est Sulayman ibn Abdullah, le premier, donc le shir, le premier qui a expliqué, donc le petit-fils du shir, Sulayman ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab, petit-fils du shir, l'imam, sahib al-matn. C'est lui qui est visé quand on dit al-sharih. Il dit وثبت بخط المصنف يقولون بالجمع والذي في الأصول يقول الذي في الأصول يقول بالإفراد وهو في المسند من حديث عبد الله بن عمر باللفظ الجمع. Bon, ici il fait simplement une remarque sur le fait que le cheikh dans le matin il dit كل عبادك يقولون يقولون بالجمع يعني يقولون هم. Et alors que dans les livres donc de base, dans les usul, dans les livres de hadith, on trouve que le mot c'est yaqul. كل عبادك يقول هذا. Bien que à la fin il dit que à la fin de sa phrase il dit que on trouve dans le musnad. الله أعلم المسند الإمام أحمد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم رضي الله عنهما باللفظ الجمع ويجي aussi يقول على كل حال c'est pas très important qu'on dise يقول يقول le fait que كل c'est le mot il est مفرد mais dans le sens il est جمع il est pluriel كل كل عبادك كل عبادك ça a le sens du جمع du pluriel c'est pour ça que Yaqulun, qu'on dise Yaqulu, Yaqulun, c'est juste, c'est le même sens. Fekala Moussa. Kala Moussa. Moussa, il répond. Kala Yarab, Kulu Ibadhi Na'am. Allah subhanahu wa ta'ala, il répond à Moussa. Donc, sur sa réponse, où il dit Yarab, Kulu Ibadika Yaquluna Hadha. Kala Allah ta'ala, Yaqul. Ya Moussa, donc il s'adresse à Moussa. On se rappelle que tout ce qu'on appelle un nida, harf un nida, Ya Moussa, Ya Adam, Ya Muhammad, tout ça montre quoi? Ça montre qu'Allah Jalla wa Ala, il parle. Avec une vraie parole, qui s'entend, bisawt wa harf, comme on l'a vu dans le Wasidiyah. Parole qui s'entend, qui a un son. Il n'y aurait pas de sens, Ya Moussa, il parle à Moussa, Ya Moussa, il appelle Moussa. لو أن السماوات سبع وعمرهن غيري والأراضين سبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله أو موسى si les sept cieux et leurs habitants en dehors de moi والأراضين سبع et les sept terres étaient dans un plateau de la balance Et la ilaha illallah dans l'autre plateau, le plateau dans lequel se trouve la ilaha illallah serait plus lourd, c'est le sens. Malat bihinna la ilaha illallah. Donc il pencherait du côté du plateau dans lequel on a mis la shahada de la ilaha illallah. Le muhashshi rahimahullah yaqul عامر بن نصب عامر بن نصب عطف على السماوات أي لو أن السماوات سبعة ومن فيهن من العمار غير الله وغير الله من العمار غير الله تعالى فاستثنى ممن في السماوات نفسه المقدسة لأنه العلي الأعلى تعالى وتقدس وهو العلي العظيم علو القدر وعلو القهر وعلو الذات العظيم الذي لا أعظم منه الكبير, الكبير الذي لا أكبر منه وجمع المخلوقات في كف الرحمن كالخردل في يد أحدنا عامر دونك عامرة عامرة هن يدي بالنصب. Donc, donc là, c'est toujours quelques points de grammaire. Ou amirahunna, ici, les atf. Atf ala as-samawat. Après le waw, donc waw harf atf. Ou amirahunna ma'atouf. On a fait de la grammaire, donc il a le même hukm. Comme as-samawati, il est mansoub. Amirahunna, il est mansoub aussi. Et donc, si les sept cieux et ceux qui y résident en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc ici, il exclut Allah subhanahu wa ta'ala, il s'exclut lui-même donc de l'Amir, donc de ceux qui peuplent le ciel. Il dit pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de ces cieux. Encore une fois, on sait que la croyance de Al-Sunnah wal-Jama'a, c'est quoi? Allahum mustawin ala arshihi. Mustawin ala arshihi. Ba'in min khalqihi. Fawqa kulli shay. Allah jalla wa alayhi s'est établi sur ton trône. Il est au-dessus de son trône. Il est séparé de sa création dans le sens où il n'est pas dans une partie de la création. Et la création n'est pas dans Allah lui-même. Ba'in, comme ils disent. Ba'in, comme Abdullah ibn Mubarak, qu'on lui a demandé. وكيف عرفت ربك الذي أنه مستو على عرشه علي على خلقه وبائن من خلقه c'est-à-dire il est au-dessus de sa création et il est séparé de sa création. Allah il est pas mélangé à sa création, il est au-dessus de tout. بذاته avec son zed. Et rien n'est au-dessus de lui, il est au-dessus de toute la création. Et il est, on se rappelle que le ulu, ça comprend plusieurs choses. Certaines choses que les mubtadi'a ont affirmées et d'autres choses qu'ils ont rejetées. Le fait qu'Allah Jalla wa Ala, il est ulu al-qadr. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il soit exempt de tout défaut et de toute imperfection et qu'il a les qualités de la perfection. Ça, c'est quelque chose sur laquelle tous les groupes de l'islam, tawa'if al-islam, ils sont d'accord. Il n'y a personne parmi les tawaïf al-islam, parmi tous les groupes qui s'attribuent à l'islam, même les mubtadi'a, même des gens que même certains que les salafs ont kafar, tous ils disent qu'Allah il n'a pas de défaut et qu'il a les attributs de la perfection. Seulement après, c'est dans le tafsir et dans les détails qu'il y a des divergences. Wa'ulu al-qahr. Le fait qu'Allah Jalla wa Ala, il soit au-dessus de sa création, c'est-à-dire par sa domination, par sa puissance, et que tout est sous sa volonté, qu'Allah Jalla wa Ala, il a tout créé par sa volonté et par sa force, sa puissance, et que tout sous sa domination. Rien ne peut sortir de sa volonté. Allah, il fait ce qu'il veut avec n'importe lesquelles de ses créatures. Et c'est là qu'il y a le mushkil entre Al-Sunnah wal-Jama'a et les gens de la bid'a. Le fait qu'Allah Jalla wa Ala par son zet, c'est-à-dire lui-même, son zet, on peut pas utiliser certains mots qui pourraient faire penser qu'on compare Allah à sa créature, mais son zet, c'est lui-même. Il est au-dessus de son trône. Comment on ne sait pas? On avait vu que le kayfiya, c'est ça qui est mushtabih. C'est ça que cette science-là, elle est liée. Encore une fois, comme on avait vu quand on a lu le Wasitiya, le Cheikh de l'Islam Taymiyyah il parle de ça dans le Hamawiyya, que toutes les règles qui sont liées aux sifat, aux attributs, elles suivent le même principe que les règles qui sont liées aux zet. Donc si quelqu'un nous demande comment est la sifat d'Allah, ou comment Allah il s'est établi sur le trône, on va lui demander, dis-moi comment est Allah lui-même, son zet, comment il est. Il va répondre, ça je ne sais pas. Ça bil ijma'. Même le Jahmiya, ils disent, on ne sait pas comment il est sans être. Il n'y a personne qui renie le. Il y a personne qui dit le contraire. Et alors, à ce moment-là, on répond que Sifat, comme on avait vu, Sifat farh al-zat, yuhtaza hazwa al-zat, ou yuhtaza biha hazwa al-zat, c'est-à-dire qu'on suit les mêmes règles concernant les Sifat que concernant al-zat. Et c'est dans cette sorte de ulu. Le fait qu'Allah lui soit au-dessus de sa création, qu'on a vu qu'il y a un grand niqash entre Al-Sunnah wa Al-Jama'a et entre les gens de la Bida'a, parmi Al-Jahmiya, Al-Mu'tazila, Al-Asha'ira, qui renie le fait qu'Allah Jalla wa Ala, il puisse être à un endroit. Donc à revoir Al-Wasitiya. Naam, qu'Allah Jalla wa Ala, il est donc plus grand que toute chose. Et que l'ensemble de la création, dans la main d'Allah Jalla wa Ala, c'est comme un grain, un grain d'orge, si je me rappelle bien, ou c'est comme quelque chose d'insignifiant dans la main d'entre nous. On sait qu'Allah Jalla wa Ala, yawm al-qiyama, comme ça vient dans le Coran, il va replier les sept cieux et les mettre dans sa main. Donc c'est insignifiant. Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de tout et il est plus grand. Il est plus grand que tout, que toute chose parmi sa création. Il est ba'in min khalqi, il est séparé de sa création. Et le fait qu'Allah jalla wa ala, il descende, on l'avait vu ça aussi le dernier tiers de la nuit, au ciel le plus bas, avec son zet, comme c'est la croyance de l'sunna wa jama'a, pas par sa rahma ou des anges ou quelque chose, c'est son zed qui descend. Comment on ne sait pas? Et en même temps, on croit qu'Allah Jalla wa Ala est toujours au-dessus de son trône. Ba'in min khalqihi, séparé de sa création. Donc ça rentre dans l'iman bil asma wa sifat et c'est quelque chose qu'on ne doit pas chercher à comprendre. Et on doit dire, laysa kamithli shay, Allah subhanahu wa ta'ala, il est rien lui ressemble, on ne peut pas le comparer à sa créature et c'est quelque chose que l'aql, la raison, elle ne peut pas saisir. La raison ne peut pas saisir le comment. De la même manière, on sait justement, parlant de ce hadith-là, qu'Allah Jalla wa Ala, il descend par son zet le dernier tiers de la nuit, au ciel le plus bas. On sait que le dernier tiers de la nuit, donc Al-Asha'ira, ils ont répliqué en disant qu'il y a toujours un endroit sur la terre où c'est le dernier tiers de la nuit. Effectivement, il y a toujours un endroit sur la terre où c'est la fin de la nuit, puisque la terre, elle tourne. Et donc, ça voudrait dire qu'Allah, il est toujours en bas. Ils ont répliqué comme ça. Al-Sunna, ils répondent que laysa kamithli shay. Ça, c'est pas des choses qu'on doit commencer à essayer d'imaginer comment ça peut se faire avec notre conception à nous des choses. Nous, pauvres créatures, avec notre conception, d'essayer de comprendre ça. À la kulli hal. Wal-aradin al-sab'a fi kiffa. Bi kasri al-kafi. Kiffa. Kiffa. Wa tajdid il-fa. Kiffa. Ay. Wudi'ana fi kiffa til-mizan. Wal-aradin al-sab'a fi kiffa. Ana. ولا إله إلا الله في كفة يعني في كفة الميزان الأخرى وفي إثبات الميزان وأنه حق قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. Donc dans ce hadith-là, comme il le dit, donc là il a les sept terres et les sept cieux dans un plateau de la balance, et la ilaha illallah dans l'autre plateau. Donc c'est le genre de hadith qui nous montre que l'existence de la balance, et ça rentre, le mizan, ça rentre dans la croyance de Al-Sunnah wa Jama'a, qu'Allah il a créé cette balance-là, et que cette balance elle a deux plateaux. On avait vu même dans le Wasitia qu'elle a aussi un lisan. Un lisan, c'est-à-dire c'est la barre qu'il y a entre les deux plateaux-là. Maintenant, comment elle est cette balance, etc. Allahu a'lam, ça fait partie des choses de l'akhira. Et comme Abdullah ibn Abbas, radiyallahu an, huma, il a dit, laysa mimma fil janna, يعني بالنسبة لي, laysa mimma fil janna, بالنسبة لي للدنيا, illa l'asma. C'est-à-dire qu'il n'y a rien dans le paradis de semblable à ce que nous on peut connaître dans cette dunya à part les noms. Les noms sont semblables, mais les choses en elles-mêmes, elles sont pas pareilles. Allah il dit: وَنَدَعُوا الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. Et nous exposerons donc les balances. Wallahu alam, comme ils traduisent, je n'ai pas regardé la traduction, les balances de la justice, يَوْمُ الْقِيَامَةِ. الْقِسْطَ. القسط c'est العدل. القسط العدل. C'est quelqu'un qui peut regarder rapidement la traduction. القسط ليوم القيامة. القسط c'est العدل. توزن فيه الصحائف التي تكون أعمال العباد مكتوبة فيها. وله كفتان إحداهما للحسنات والأخرى للسيئات بإجماع السلف. Donc dans cette balance, on pèsera, alors ici le shir il dit, rahmahullah, il dit, on pèsera les feuillets des gens. C'est-à-dire les feuillets sur lesquels les anges ont écrit les bonnes et les mauvaises actions. On avait vu que ça c'est un sujet dans la croyance où il y a un khilaf entre les ulama. Il y a des ulama qui disent que on pèsera les actions directement. Les actions seront mises dans la balance. Il y en a qui disaient qu'on pèsera les feuillets. Comme c'est le cas, comme il le dit le cher ici, il y en a qui disent qu'on pèsera carrément le bonhomme en lui-même. Il y en a qui disent qu'il n'y a pas de contradiction, que le tout peut être pesé. Wallahu a'lam. C'est un khilaf dans une branche de la croyance. Une branche de la croyance concernant le mizan. Mais après, il dit qu'il y a un plateau pour les bonnes actions, un plateau pour les mauvaises. Ça, c'est quelque chose sur lequel il y a un ijma' entre les salafs. Après, sur qu'est-ce qui va être pesé, c'est là qu'il y a qui est un khilaf. Amalat bihinna la ilaha illallah ay rajahat bihin. C'est-à-dire que le plateau de la ilaha, le plateau dans lequel on a mis la ilaha illallah sera plus lourd que est plus lourd que si on mettait les cieux, les sept cieux et les sept terres dans l'autre plateau. Rifadalla ala izami sha'niha. وذلك لما اشتملت عليه من نفي الشرك وتوحيد الله الذي هو أفضل الأعمال وأساس الملة والدين ولما يجتمع لقائلها من الذكر والدعاء وما يحصل له من تكفير الذنوب والخطايا فمن قالها بإخلاص ويقين وعمل بمقتضى وعمل بمقتضاها ولوازمها وحقوقها واستقام على ذلك دخل الجنة. Donc ça nous montre la valeur de cette shahada. La valeur de cette shahada, et ceci, c'est dû à ce qu'elle comporte comme rejet du shirk et comme affirmation du tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est le meilleur des actes. Et c'est la base de cette religion. C'est-à-dire la ilaha illallah, cette parole et son sens. Et ce qu'elle implique, c'est la base de l'islam. Et de la même manière aussi, c'est dû aussi, donc la valeur de ces mots-là, à ce que cette shahada elle regroupe comme dhikr. Donc c'est une évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, on l'utilise comme dhikr, on l'utilise aussi comme dua, c'est-à-dire on l'utilise dans le dua pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi ce qu'elle profite à la personne de comme expiation des péchés. Comme on l'a vu, comme expiation des péchés, comme elle le montre d'ailleurs dans ce hadith-là, et comme on va le voir dans le hadith suivant, le hadith de Anas, Ibn Malik. Et là, il dit une phrase importante encore, ça confirme ce qu'on a vu dans les chapitres précédents. Donc celui qui l'a dit avec ikhlas, avec exclusivité, c'est quelqu'un qui dirige ou qui voue son culte à Allah subhanahu wa ta'ala seul, pas quelqu'un qui adore une autre divinité. Et là, ce qu'il veut dire ici, ou dans le sens du hadith, c'est l'ikhlas tam, comme on l'a vu. C'est l'ikhlas complet. Comme on l'a dit, l'ikhlas wal yaqin wal sidq, etc. C'est cette condition-là qu'on connaît sous les conditions de la ilaha illallah, yazid wa tazid wa tanqus, c'est-à-dire elles augmentent, elles diminuent, comme l'iman. L'iman yazid wa yanqus, chez al-sunna wal jama'a. Ça augmente, ça diminue. De la même manière, al-yaqin, comme on l'a dit, ou al-sidq, ou al-ikhlas, c'est pas quelque chose, c'est pas une seule chose, c'est pas quelque chose de stable, de fixe. C'est quelque chose qui augmente et qui diminue, qui a une base, sans laquelle la ilaha illallah est invalide. Et ensuite, il y a des niveaux. Il y a des niveaux. Le sidq de Abu Bakr, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a surnommé al-siddiq, c'est pas le sidq de Foulan ou de Allan. Il y a des niveaux dans l'ikhlas, dans le sidq, qui sont d'une manière globale, soit une parole du cœur, soit des actes du cœur. فمن قالها بإخلاص ويقين et avec certitude, وعمل بمقتضاها, et qui œuvre selon ce que cette shahada elle implique. Encore une fois, comme acte, comme adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme délaissement du shirk. Il dit wa lawazimiha, on verra que parmi al-lawazim, par exemple, il y a le fait de croire que celui qui commet du shirk ou celui qui n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de croire qu'il est kafir, c'est une implication de la ilaha illallah. Ou le fait de le détester pour Allah, c'est une implication de la ilaha illallah. Ça rendu al-lawazim. Wa huquqiha. Al-huquq, c'est toutes les adotes, tout ce qui est ordre et interdit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous a enjoint Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, dans la Sunna, tout ça rend dans al-huquq, les droits de la ilaha illallah. On retrouve ça dans les hadiths, comme par exemple la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. من قال لا إله إلا الله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإن شهدوا بها عصموا مني دماءهم وأموالهم يعني إلا بحقها. ولا parole du Prophète صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله عصم دمه وماله إلا بحقها. Donc ça, c'est pour ça que c'est là-dessus que Abu Bakr il a combattu donc les gens qui ont délaissé qui ont refusé de payer la zakat, mani' az-zakat. Ils ont refusé la zakat et Abu Bakr il a utilisé ce hadith là en montrant que la zakat c'est un haq de la ilaha illallah. Donc tout ce qui est ordre et interdit, ça rentre dans huquq la ilaha illallah. Donc, ici, la différence entre lazim et haq, c'est que le délaissement d'un haq, c'est pas forcément de la mécréance. C'est pas forcément de la mécréance. Par contre, le délaissement d'un lazim, ça va annuler ce qu'on appelle al-malzoum. Ça, on le verra en détail, inshallah, quand on verra le chapitre de la ilaha illallah, son explication. Mais quand on dit que quelque chose est un lazim, si ce lazim-là, il est absent, il n'est pas réalisé, al-malzoum, ce qui a impliqué cette implication-là, ça disparaît avec. Donc si on dit que la ilaha illallah, ça implique le désaveu du mushrik, Le fait de ne pas se désavouer du mushrik, ça va impliquer quoi? Intifa al-malzoum. C'est-à-dire le fait que la ilaha illallah, ça tombe avec. Alors que le haq, encore une fois, tout ce qui rentre dans l'obligation et dans le délaissement des interdits, ça rentre dans huquq la ilaha illallah. Comme le fait, par exemple, de payer la zakat, de faire la salat, de jeûner siyam ramadan, de l'hajj, bir al-walidain, tout ça, ça rentre dans huquq la ilaha illallah. Et délaisser une de ces choses-là, ce n'est pas forcément de la mécréance. La différence entre les deux. Wastaqama ala dhalika dakhala al-janna. Wastaqama ala dhalik. Ça aussi, c'est important. C'est le fait d'être constant sur cette chose-là. Pas un moment d'être sur l'islam, puis de quitter l'islam. Mustaqam al-mudawama, yani, le fait de rester dans l'obéissance à Allah. Il dit dakhala al-jannah. C'est-à-dire, directement, comme c'est montré dans ce hadith-là. Parce que celui qui a un tawhid de ce niveau-là, rien dans le plateau des mauvaises actions ne peut contrebalancer contre ce tawhid-là. C'est le sens ici de la ilaha, c'est le sens du hadith. Encore comme il va le dire le shir après. Il dit, فَإِنَّ هَذِي الْحَسَنَةَ فَإِنَّ هَذِي الْحَسَنَةَ لَا تُوَازِنُهَا شَيْ. Comme il le dit là. Il dit, cette bonne action, c'est-à-dire le tawhid, rien ne peut la contrebalancer. Rien ne peut être plus lourd dans la balance. Il dit, وَخْرَجَ أَحْمَدْ عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc là, c'est ce qu'on appelle le shahid, le fameux hadith qui lui est authentique et qui fait office ou qui témoigne de la que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, du moins, il a dit ces mots-là ou des mots qui ont ce sens-là, même si le premier hadith il est encore une fois, il est daif pour certains ulama, bien qu'on voit qu'il a été authentifié. Il est rapporté par Ibn Hibban dans son Sahih et il est authentifié par l'imam al-Hakim. Mais il y a d'autres ulama qui ont dit qu'il n'est pas Sahih. À la kulli hal, il y a un shahid. Donc c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le hadith, il est dans le musnad de l'imam Ahmed, rapporté par Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, anna Nuhan alayhi salam qala libnihi عند موته أمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كنا حلقة مبهمة لا فصمتهن لا إله إلا الله وهي أفضل الذكر ففي الحديث الصحيح أفضل ما قلت أن أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Donc le hadith Nuh, le prophète صلى الله عليه وسلم, il dit que Nuh عليه السلام, il a dit à son fils lors de sa mort, عند موته, موت Nuh عليه السلام, الله أعلم, الضمير Allahu alam, soit il revient à son fils, soit à Nuh. Amruka billa ilaha illallah. Plutôt la mort de Nuh. Donc je t'ordonne la ilaha illallah. Si les sept cieux et les sept terres étaient mis dans un plateau de la balance et la ilaha illallah dans l'autre plateau, alors la ilaha illallah serait plus lourd. Et si les sept cieux et les sept terres étaient des anneaux, alors elle serait brisée par la ilaha illallah. Et c'est le meilleur c'est le meilleur dhikr. C'est la meilleure chose par laquelle on peut évoquer Allah Azza wa Jal. Et par laquelle aussi on peut l'invoquer. Et dans le hadith sahih, hadith rapporté par Allahu alam al-imam al-Tirmidhi, la meilleure chose ou la meilleure parole que j'ai dite, moi, et les prophètes avant moi, c'est la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Donc ça, c'est le meilleur. Donc on voit que les mots du hadith, ils sont quasiment semblables à l'autre hadith. Ça, c'est ce qu'on appelle le shahid. Souvent on voit dans les takhrij al hadith, quand les ulama ils font des takhrij al hadith, ils disent wal hadith lahu shawahid, Shahid, ça veut dire que c'est le même hadith, soit les mêmes mots, comme ici c'est quasiment les mêmes mots, soit des fois pas tout à fait les mêmes mots, mais le sens est identique, rapporté par un autre compagnon. Ça, on appelle ça shahid. Et des fois, les ulama, comme ça, en rassemblant différents hadiths, ils émettent un jugement ou ils peuvent changer le jugement d'un hadith s'il a un shahid ou pas, etc. Moi, ici, il se trouve que ce hadith-là, hadith de Abdullah ibn Amr, il est authentique. Donc, même si le premier, il n'est pas tout à fait authentique, celui-ci, il suffit. Walin Nasa'i wa Ibn Majah. Walin Nasa'i wa Ibn Majah wa ghayrihima. Afdalu dhikr la ilaha illallah. Donc, l'imam Nasa'i ou l'imam Ibn Majah, rahimahum Allah, et d'autres que, ont rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que le meilleur dhikr, c'est la ilaha illallah. Wa li Tirmidhi wa ghayri, da'watu akhi dhinnun la ilaha illa ant. Il dit, c'est-à-dire les mots avec lesquels Younous alayhi salam, il a invoqué Allah jalla wa ala lorsqu'il était. Lorsqu'il était dans le ventre de l'hout, de la baleine, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala et par ces mots. La ilaha illa ant, subhanaka la ilaha illa ant, inni kuntu min al-zalimin. Walahu aydan, wa hassanahu wa sahahahu al-imam al-zahabi, rahimahullah. Donc ça, c'est le fameux hadith qu'on appelle hadith al-bitaqa. Donc, c'est un hadith de l'imam Tirmidhi aussi, dont il a jugé qu'il est hassan et qu'a authentifié l'imam al-Zahabi. يصح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا كل سجل منها مد البصر ثم يقال أتنكر من هذا شيئا فيقول لا يا رب فيقال ألك عذر أو حسنة فيهاب الرجل فيقول لا يا رب فيقال بلى إن لك عندنا حسنة وإنه الظلم عليك فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقال إنك لا تظلم فتودع سجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. Donc, hadith de l'imam Tirmidhi. Donc, Yawm al-Qiyamah, il y a un homme qui va être appelé devant tout le monde. Et on va déplier 99 feuillets sur lesquels, et chaque feuillet, il a la longueur de ce que peut voir l'œil. Et sur chaque feuillet, il y a sont inscrites des mauvaises actions qu'il a commises. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'on appelle le muhasaba, il va lui dire, est-ce que tu renies, tu rejettes quelque chose de ces mauvaises actions-là qui sont écrites sur ces feuillets-là? Et là, il va dire, non, Seigneur. Et là, on lui dira, est-ce que tu as une excuse ou une bonne action pour contrecarrer, pour contrebalancer avec ça? Et là, l'homme, il sera pris de peur. Il va dire non, oh Seigneur. Et là, on lui dira, mais si, plutôt. Tu as auprès de nous une action et nulle injustice te sera faite aujourd'hui. Et on sortira cette carte, al-bitaqa, sur laquelle est écrite Eshhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Et là, il va s'étonner et il dira, ô Seigneur, quelle est la valeur de cette carte avec tous ces feuillets-là, c'est-à-dire sur lesquels sont inscrits ces mauvaises actions. Et là, on lui dira, nulle injustice ne te sera faite, et les feuillets seront mis dans un plateau de la balance, et la carte dans l'autre, et le plateau dans lequel, ou le plateau dans lequel sont les feuillets, ils vont être projetés, ils vont être jetés en l'air par le poids de la carte. Encore une fois ici, comme on l'avait dit c'est le genre de, pour comprendre ce sujet-là, il faut rassembler tous les textes. Ce qui a encore effectivement, il y a des gens qui vont venir dire que quelqu'un qui dit la ilaha illallah, il rentre dans ce hadith-là, même s'il a 50 000 actions, du shirk akbar, du tout ce qu'on veut. Or, il faut toujours conditionner ce texte-là qui est mutlaq, le conditionner avec les hadiths qui sont muqayyada, c'est-à-dire qui viennent conditionner cette shahada-là. Il n'y a aucun doute que cette personne-là, déjà, il est musulman. Puisque s'il n'est pas musulman, il n'y a pas de mizan. Ça, on l'a vu. Et le mizan, ça concerne les musulmines, puisque les kuffars, à la base, ils n'ont rien à peser. Donc, déjà, c'est quelqu'un qui est sur l'islam. Il n'a pas, il n'est pas mort. Il n'a pas commis le shirk akbar. Il n'est pas mort sur le shirk akbar, ça, c'est clair. Par contre, il avait des mauvaises actions avec lui. Mais son tawhid, il lui a permis, son tawhid l'a sauvé. Son tawhid et surtout la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'on se rappelle que ne rentre au paradis personne que ou, personne ne rentre au paradis sans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne rentre par ses actions. Le qala shaykh, ici shaykh c'est Ibn Taymiyyah, rahimullah. Quand il dit shaykh comme ça, yutliq, c'est Ibn Taymiyyah. Qala shaykh. Donc là, il va dire quelque chose d'important qui confirme ce qu'on a déjà lu avant dans le chapitre. Laysa kullu man takallama bi shahadatayn kana bi hadhihi al-mathaba li'anna hadha al-'abda sahibu al-bitaqa kana fi qalbihi min at-tawhid wal-yaqin wal-ikhlas ma awjaba an 'azuma qadruhu hatta sara rajihan hadhihi as-sayyi'ah. Wa qala Ibn al-Qayyim rahimahullah wal-a'mal la tatafadalu bi-suwariha وعددها وإنما تتفاضل بالتفاضل ما في القلوب بتفاضل ما في القلوب فتكون صورة العملين واحدة وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. ابن تيمية دي ce qui s'est passé pour cet homme-là, Sahib al-Bitaqa, celui qui a le Bitaqa dans ce hadith-là, c'est pas valable pour tout le monde. Il dit, cet homme-là, il avait dans le cœur un tawhid complet. Il dit pas complet, mais c'est le sens. C'est-à-dire, avec une certitude, avec une exclusivité complète. Ce qui a permis à son tawhid d'être plus lourd que tous ces péchés-là. Encore une fois, le tawhid, ce n'est pas qu'une seule chose. Comme on a dit, on a asl tawhid, le minimum pour que la personne elle soit musulmane. Ça se fait avec le délaissement du shirk akbar et avec la réalisation de ces conditions-là à leur minimum. Un minimum de certitude, un minimum de science, un minimum de sincérité, un minimum d'ikhlas. Après, on a le kamal al-wajib et kamal al-mustahab. Donc là, il y a des niveaux. Et pour que La ilaha illallah, le tawhid, puisse contrebalancer toutes ces mauvaises actions-là, il faut qu'ils soient réalisés avec ces conditions-là, mais à leur plénitude, de manière complète. Un tawhid de complet, avec l'ikhlas complète, avec la certitude complète, avec l'yaqin complet. Sinon, on a vu que si on a du shirk asrar, si on a des grands péchés qui viennent se rajouter à ça, au sujet duquel la personne ne s'est pas repentie, ça va affaiblir ce tawhid-là. Et dans la balance, il pèsera plus aussi lourd. Il ne sera pas capable de contrebalancer tous ces péchés-là. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre les hadiths et, encore une fois, en les rassemblant. Ibn al-Qayyim dit que les actes ne se différencient pas par leur apparence ou par leur nombre. Mais ils se différencient par ce qu'il y a dans les cœurs, par ce qui pousse la personne à faire ces actes-là. Donc là, ils visent ces conditions-là, el yaqin, la science, l'ikhlas, etc. Et il dit qu'on peut avoir deux personnes qui font exactement la même action, c'est-à-dire en apparence, Mais dans la réalité, il y a une différence entre deux, comme la différence qu'il y a entre le ciel et la terre. Par rapport à l'ikhlas, à la certitude, etc. قال وتأمل حديث البطاقة ومعلوم أن كل موحد له هذه البطاقة سأكون من قال ابن القيم سجر ابن القيم كي قال وتأمل حديث البطاقة ومعلوم أن كل موحد له هذه البطاقة والكثير منهم يدخل النار بذنوبه بل اليهود أكثر من يقولها والذي يقولها ويخالفها أعظم كفرا ممن يجحدها أصلا فإن الكافر الأصلية أهون كفرا من المرتد. Donc il dit et cogite, réfléchit au sujet de Hadith al-Bitaqa. Donc ce hadith là qu'on vient de citer, il dit et il est connu que tout chaque mouahid il a cette carte. N'importe quel mouahid qui meurt sur le tawhid, qui n'a pas commis de shirk akbar, qui a adoré Allah seul, il meurt avec cette carte. C'est-à-dire qu'il a réalisé ce tawhid-là et qu'il avait le minimum des conditions pour avoir cette carte-là. Mais seulement, est-ce que cette carte-là, elle va avoir le même poids que la carte de Sahib al-Bitaqa dans le hadith? C'est clair que non. Il dit la majorité des mouahidines, ils rentrent au feu. Comme ça vient dans les hadiths authentiques. La majorité, ils rentrent au feu pour expier leurs péchés. Il dit même, tu vas trouver que l'Yahoud, c'est eux qui la disent la plus. Ceux qui disent « La ilaha illallah » le plus, c'est les juifs. Et il dit et que celui qui l'a dit par sa bouche et qui l'a contredit par ses actes, il dit « Son kufr, il est plus grave que celui qui ne l'a dit pas du tout à la base, qui ne veut pas la dire, qui est kafir asli à la base. » Parce que le murtad, son état, son cas, il est plus grave que le kafir al-asli. Le kafir al-asli comme le juif, le chrétien ou l'athée, il est moins grave que celui qui rentre en islam en disant « La ilaha illallah Muhammad Rasulullah » en montrant l'islam et qui par après va montrer quelque chose, un annulant de l'islam. On va juger qu'il est mortad. Il n'est pas kafir asli, il est mortad et il est pire. Et les ahkam qui sont liés au mortad, ils sont plus sévères que ceux qui sont liés au kafir asli. Donc le hadith, il est rapporté par par Ibn Hibban ou Al-Hakim. Al-Hakim l'a rendu authentique, comme on a dit. Et, bon, on a dit qu'il y a certains ulama qui ont vu que le hadith il est faible et que encore une fois, on a Shahid, le hadith de Abdullah ibn Amr rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed, donc il nous suffit. Inch'Allah, on va arrêter là. Wallahu alam. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين